60, il est arrivé. Y'a les 22 à la porte, je suis premier arrivé. Sur le GPA 160, pas encore arrivé. Ce que je veux, c'est boire leur sang, les terrifier. Ah, tu vois, chargé dans la turbo. Toujours dans le game, comme si c'était un tournoi. Personne peut m'arrêter, je suis élancé, même pas courtois. Mais si je veux, c'est percer pour le vie, c'est pas pour moi. Marseille, Meda, je fume là, Nézia. Bonsoir, mesdames, je sais que je suis sale. Je suis dans le bloc, j'ai la sacoche. Je fais Khalis là, c'est pour mes proches. Je suis dans le bloc. J'fais râler sale, c'est pour mes proches. J'ai pris le top, j'fais un joint IA. J'ai des soucis après deux bars, ça ira. Dans ce monde, très peu sont fiables. Tu cailloux là, très peu sont fiables. Y'a de la blanche en avant, ouais c'est normal. On m'a dit le sur le sang, genre normal. On a fait le son des hommes, c'est normal. Chica et l'âme, quartier normal. Bordel, ou non, sur ta tête, j'mette ma tempée. Ou non, et j'suis là pour les hanter. You know, et ce soir c'est nous les condés. You know. VD en Dora, balle dans le thorax, Chica fresco la place. On était plein à la base, on a fini à la barre. La marine bleue, tiens. C'est l'angoisse, Marseille c'est pas ouest. Y'a des rageux qui attendent ma mort pour être farhan. Demande à Fresh ce qu'on peut faire avec la rage. J'ai viens d'une tête où les petits guides deviennent des rages. Dans l'armoire le taux t'arrête, je te mets la tête au carré. Et on t'oublie comme tout t'arrête, dis la Chica faut pas parler. Non, non faut pas trop parler, l'équipe se forme d'ici d'ailleurs. Mais on va pas trop en parler. Oula youla truc de fou là, on se revoit marié 4 fois pas mon fou là. Mieux que ça de finir tôt là, 1, 2, 3, ils ont gagné la canne. Tu t'es mis tu cannes, précis comme Johnny, on peut d'un boucan. Genre du concessionnaire star, c'est une star. Elle sait que je suis pas millionnaire mais quand même elle bloque. Putain j'suis deck, j'crois que j'ai mis ma pute en cloque. J'ai des soucis personnels parce que je suis un flash. Y'a de la blanche en avant, ouais c'est normal. On m'a dit le sur le sang, genre normal. On a fait le son des hommes, c'est normal. Chica et l'âme, quartier normal. Bordel, ou non, sur ta tête, j'pète ma tempée. Ou non, et j'suis là pour les hanter. You know, et ce soir, c'est nous les condés. You know.